J'aimerais aborder ce qu'on appelle ce phénomène qui a apparu il y a quelques années, qu'ils appellent le burkini. Wama adraka ma al-burkini. Wama adraka ma al-burkini. Qu'est-ce que le burkini? Ça, c'est une bid'a. Et du fisq et du djahl. Son nom lui-même explique tout. Un mélange de burqa. C'est quoi le burqa? La base de burqa, c'est comme le niqab. Parce que la femme, c'est son visage qui laisse juste apparaître les yeux. Donc, le burq du mot vient de burqa. Et le kini vient de quoi? De bikini. Donc, c'est un mélange de halal, de haram. Genre, le burqa, c'est mon identité islamique et ma pudeur. D'accord? Et le bikini, c'est ma liberté, mon besoin de pratiquer une activité nautique comme tout le monde. La version masculine serait quoi? Le kami slip. On pourrait dire comme ça, le kami slip. Sinon, on devait faire la même chose. Alors, est-ce qu'on va le faire? Ouais, les azobés, on va pas le faire. Ben, elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est absurde. Savoir que aller dans les piscines ou les plages publiques ouvertes à tous n'est permis ni pour l'homme et ni pour la femme. Même si elle y va habillée avec son djilbab ou l'homme il est habillé avec son kamis, sa imama, tout ce qu'il faut, ces lieux-là ne sont interdits. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا كَمَا قَالَ تَعَالَى. Le verset peut être traduit de différentes façons. Ceux qui ne font pas de faux témoignages, et ça, لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, également ceux qui n'assistent pas ou qui ne se présentent pas dans les lieux du mal. On appelle ça également zour. Lorsqu'ils passent devant des futilités, ils passent en se détournant honorablement. Ils ne font pas attention. D'accord? Donc l'islam interdit le tabarruj et ordonne de baisser le regard. Donc ensuite, on va aller quoi? Prendre du bon temps au milieu des gens en milieu de bain. Est-ce que c'est marcoul ça? Tu dois baisser le regard, t'habiller correctement, te cacher, et tu vas faire quoi à la piscine? Qu'est-ce que tu vas faire à la piscine? On parle pas des piscines privées entre hommes habillés correctement ou des piscines entre femmes. Là, on parle des piscines publiques, des plages publiques, ce genre de lieu. D'accord? On n'a rien à y faire à la base. Burkini ou pas burkini. Même en djilbab, ou même nous, comme on dit, en kamis, on n'a rien à y faire. Donc ce burkini, ce vêtement, c'est une atteinte à la femme, à l'image de la femme musulmane, qui en réalité la ridiculise aux yeux des gens plus qu'autre chose. Même les koufars, ils rigolent de ça. Sans compter qu'ils ne respectent pas les conditions légiférées du vêtement, de la femme hors du foyer. Le burkini, c'est un vêtement qui est moulant. C'est un vêtement qui, même s'il ne laisse pas apparaître la peau, il fait apparaître les formes du corps. Même s'il est comme il est, c'est pas un vêtement qui est légiféré. Qalat Aïcha, radhiyallahu anha, antunna, quand elle était interrogée à propos d'aller comment dire en arabe, hammam, ils appellent ça hammam en français. Des espèces des lieux là, où les gens se lavent, les lieux communs. Il appelle ça hammam à la façon française, tu vois. Alors qu'en arabe, c'est hammam. Antunna allati yadkhulna al-hammamat, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, ma min mra'atin tadha'u thiyabaha fi ghayri bayt zawjiha illa hatakat as-sitra baynaha wa bayna rabbiha. Elle a dit quoi à Aïcha à propos des femmes qui sont dans les hammamat, justement, ces lieux de lavage commun? Elle a dit, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'a pas une femme qui enlève ses vêtements autre part que dans le foyer de son mari, sans qu'elle n'ait violé. Elle n'ait violé l'intimité et on va dire le côté, on va dire, la dissimulation, je sais pas si on dit dissimulation, ça se dit en français, le côté dissimulé qui est entre elle et son Seigneur. Donc la femme n'enlève ses vêtements que dans des besoins, dans des cas précis. Elle ne se déshabille pas n'importe où.